Chapitre 2. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que déclare celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept porte-lampes d'or. Je connais tout ce que tu as fait. Je connais la peine que tu t'es donnée et la patience que tu as montrée. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Et tu as découvert qu'ils sont menteurs. Tu as de la patience, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas découragé. Mais voici ce que j'ai contre toi. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Détourne-toi de tes péchés et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu ne te détournes pas de tes péchés, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tu détestes ce que font les Nicolaïtes, tout comme moi. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes souffrances, je connais ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. Je sais le mal que disent de toi ceux qui se prétendent juifs mais ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. Vous aurez à souffrir pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux qui auront remporté la victoire ne seront pas frappés par la seconde mort. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là où Satan a son trône. Tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas rejeté la foi en moi. Même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Cependant, j'ai quelque chose contre toi. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam enseignait à Balak à faire en sorte que les Israélites tombent dans le péché en mangeant des viandes qui viennent des sacrifices offerts aux idoles et en se livrant à l'immoralité. De même, tu as également chez toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Détourne-toi donc de tes péchés. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je combattrai ces gens avec l'épée qui sort de ma bouche. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, à part celui qui le reçoit. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que déclare le Fils de Dieu, celui dont les yeux flamboient comme du feu et dont les pieds brillent comme du bronze poli. Je connais tout ce que tu fais. Je connais ton amour, ta fidélité, ton dévouement dans le service et ta patience. Je sais que ton activité est plus grande maintenant qu'au commencement. Mais voici ce que j'ai contre toi. Tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Elle égare mes serviteurs en leur enseignant à se livrer à l'immoralité et à manger des viandes qui viennent de sacrifices offerts aux idoles. Je lui ai laissé du temps pour se détourner de ses péchés, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. C'est pourquoi je vais la jeter sur un lit de souffrance. Je ferai également beaucoup souffrir ceux qui ont commis l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se détournent des mauvaises actions accompli avec elle. De plus, je mettrai à mort ses enfants, et ainsi toutes les églises sauront que je suis celui qui connaît les pensées et les désirs des hommes. Je paierai chacun de vous selon ce qu'il aura fait. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous ne vous êtes pas attachés à cette mauvaise doctrine. Vous n'avez pas appris ce que les gens appellent les profonds secrets de Satan. Je vous déclare que je ne vous imposerai pas d'autres fardeaux. Mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. À ceux qui auront remporté la victoire, et qui auront continué à pratiquer jusqu'à la fin ce que je veux, j'accorderai le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les nations, ils les dirigeront avec une barre de fer et les briseront comme des vases d'argile. Je leur donnerai aussi l'étoile du matin. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises.